بسم الله الرحمن الرحيم نواصل اليوم في درسنا وبوسيو aujourd'hui وندخل في السؤال عفوا في الدرس 77 leçon في السؤال على الخامس بعد 500 505 question يقول من الصحابي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عفوا c'était plutôt نعم السؤال السادس بعد 500 506 question قال من هو الذي اهتز لموته عرش الرحمن qui est celui pour qui lors de sa mort le trône d'Allah a tremblé il s'agit de Sa'd ibn Mu'adh رضي الله عنه Sa'd ibn Mu'adh comme dans le hadith de Jabir قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ qu'il a dit que le trône d'Allah عز وجل a tremblé pour la mort de سعد بن معاذ والحديث متفق عليه et parmi les miracles de la mort de سعد بن معاذ c'est qu'il avait été blessé grièvement pendant une bataille à tel point que son sang coulait il était en train de subir une grande hémorragie et qu'il lui voulait absolument voir la fin de cette guerre et la victoire. Car le Nabi Salam lui avait promis cela. Il a fait un dua de pouvoir vivre ce moment-là. Et à ce moment-là, son sang s'est arrêté de couler. Complètement. Sans soin ni rien. Son sang a arrêté de couler durant, je pense, plusieurs jours. Le temps que les musulmans prennent le dessus sur leur ennemi. Voilà, Allah fit Tabouk, Allah a'lam. Parce que c'est la raison de Tabouk, je ne me rappelle plus. Quoi qu'il en soit, une fois que les musulmans ont eu le dessus, ont eu la victoire, son sang a recoulé et il est mort. Radiallahu anhu. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ce hadith-là. Que le trône d'Allah azawajal a tremblé pour sa mort. Thumma qala fi su'al as-sabi'a bat 500. 507e question. Man wa alladhi hamalat janazatahu al-mala'ika. Qui est celui dont les anges ont transporté sa dépouille lors de sa salade funéraire qui ont transporté son corps et également c'est Sa'd ibn Mu'adh c'est le même quand dans le hadith de Anas ibn Malik lorsque sa janaza fut transportée à Sa'd les munafiqoun ils ont dit comme elle est légère c'est à dire son poids il est léger c'est à dire il n'a pas de poids donc en lui وذلك لحكمه في بني قريظة Afouen, donc là ça rectifie ce que je disais pas à Tabouk, c'est dans la bataille de Bani Qurayza apparemment. Ça devait être Khaybar ou Allah Alam, je ne me rappelle plus trop. Non, en tout cas, c'est pas Tabouk, Afouen, donc on rectifie. Quoi qu'il en soit, les Munafiqoun ont vu que son poids était léger, c'est-à-dire comme s'il n'avait pas de poids. Et cela est arrivé aux oreilles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Innal Malaika kanat tahmilou. Il a dit qu'il était léger parce que les anges portaient justement sa janaza. Car les anges portaient sa janaza. Le hadith Arawu al-Tirmidhi wa sahahahu al-Bani. Yaqul man huwa alladhi shahadatuhu bi shahadat rajulayn. Qui est celui dont le témoignage équivaut au témoignage de deux hommes. Il s'agit de Khuzaymah ibn Thabit. Khuzaymah ibn Thabit. Comme dans le hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu acheter un cheval à un bédouin et il s'était déjà mis d'accord auparavant. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a retrouvé ce bédouin pour pouvoir le payer, lorsque le bédouin a vu qu'il y avait d'autres personnes intéressées pour le cheval, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu me l'as déjà vendu à moi ». Il a dit « Moi je ne me rappelle pas, est-ce que tu as une preuve, tu as quelque chose ? Est-ce que tu as un témoin dans ce sens-là ?» Et de là, le Nabi Salam, à la base, n'avait rien. Quand il a fait cela, il n'avait personne avec lui, apparemment. Et là, Khuzaymah a dit, moi, j'en témoigne. Moi, j'en atteste de cela. Alors qu'il n'était pas présent. Donc là, le Bédouin a vendu le cheval au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le Nabi Salam lui a dit, comment tu en témoignes ? Il a dit, j'en témoigne par ta véracité à toi. Car je sais que tu dis la vérité, donc je témoigne que tu achètes le cheval. Et là, le Nabi Salam, quand là, c'est là qu'il lui a dit, justement, شارة خزيمة بشارة رجلين

Mais il ne faut pas l'oublier après par la suite, les frères ils agissent sur sa personne et le mettent comme étant un point de retour pour eux. C'est un ta'awun, une entraide. Ce n'est pas pourtant que ce frère-là devient un da'i référentiel vers qui on revient. D'accord ? C'est un frère, par exemple, qui parle arabe, il est en mesure de prendre un livre simple, dont il a lu l'explication, il l'a traduit à ses frères. Mais il ne faut pas exiger dans sa personne par la suite. Ne pas oublier que c'est quelqu'un qui n'a pas étudié à la base, au point de l'élever, et qu'après les frères écoutent tout ce qu'ils disent, ou on va tout vers lui, ou lui pose plein de questions. Ce n'est pas ça. Ou demande des fatawas. Ce n'est pas ça également. Tout comme ce frère-là, il répond aux questions qu'il connaît. On le dit souvent, demain, même un nouveau converti, il a appris une chose, par exemple. Ses parents l'interrogent pour cette chose-là. Il leur répond. Il ne va pas dire, moi je ne connais pas, je me suis converti il y a une semaine, je ne peux pas vous répondre. S'il a entendu la réponse d'un autre frère qui l'a fait profiter, il la donne. Il la donne. Il n'y a pas de problème par rapport à cela. C'est là, il frotte ou là, t'affrite. Pas d'exagération dans le domaine et pas de négligence non plus. D'accord ? Ah non. ثم قال في السؤال 12500 ça c'est la deuxième question. من هم الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم؟ Qui sont les quatre que le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné que l'on prenne le Coran de leur bouche, de eux-mêmes? Il s'agit de Ibn Mas'ud et de Ibn Ka'b et de Mu'adh ibn Jabal, de Salim Mawla ibn Abi Hudhayfa. Salim Mawla ibn Abi Hudhayfa. Et le dalil, c'est le hadith de Abdullah ibn Amr. Qara, ça met au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yakul, istakra'u le Qur'an min arba'atin, min ibn Mas'ud, wa salim mawla abi Hudhayfa, wa Ubay ibn Ka'b, wa Mu'adh ibn Jabal. Le hadith muttafaqun alayhi. Qu'il est dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, prenez le Qur'an, apprenez-le, c'est-à-dire restez sur ces personnes-là, qui vous corrigent, sur quatre personnes. Ibn Mas'ud, Salim, mawla abi Hudhayfa, Ubay ibn Ka'b, et Mu'adh ibn Jabal. Et quelqu'un pourrait dire, pourquoi Ibn Abbas n'est pas cité? Car Ibn Abbas était encore petit. Non. ثم قال من هو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qui est celui qui a le secret, l'homme de confiance qui a le secret du prophète صلى الله عليه وسلم. Et c'est Hudhayfa ibn Yaman. Et cela du quel fait que le Nabi صلى الله عليه وسلم lui a donné le nom des munafiqin. Le nom des munafiqin et que Hudhayfa ne l'a dit à personne. Hormis une fois, une janaza allait se faire. Et Omar ibn Khattab allait sortir pour faire salat sur la janaza. Et Hudhayfa l'a attrapé, il a dit, n'y va pas. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, il est parmi ceux, c'est-à-dire cet homme qui est mort là, parmi ceux dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné leur nom. C'est-à-dire parmi les munafiqin. Et là, Omar, il a regardé, il lui a dit, elle a cité, dit, est-ce que je fais partie d'eux? Est-ce que mon nom est cité? Et Hudhayfa ne voulait pas lui répondre. Et Omar a insisté, est-ce que mon nom est parmi ces gens-là? Et Hudhayfa lui a dit non, et tu es le seul à qui je répondrai à cette question-là. Pour lui dire que tu n'es pas parmi eux. ثم قال في السؤال الرابع عشر بعد 500 من هو الذي رأى الأذان في المنام؟ Qui est celui qui a vu l'Adhan après la salat en rêve? Et c'est Abdullah ibn Zayd ibn Abdullah ibn Abdurrabbi. Et justement dans le dalil, c'est le hadith qui rapporte à lui-même qu'il a dit lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné qu'on frappe les cloches pour que les gens se rassemblent pour la salat, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore de moyens de faire la salat. De prévenir de l'heure de la salat. Et les juifs, eux, avaient une trompette, une trompe. Et les chrétiens, eux, avaient la cloche, comme vous le savez. Donc il a dit, dans la nuit, dans mon rêve, un homme est venu. Il portait deux vêtements verts. Et dans sa main, il avait des cloches. Et je dis, c'est-à-dire cet homme-là, oh Abdallah, Atabi' al-Manqous, est-ce que tu vends cette cloche? L'homme lui a dit, qu'est-ce que tu as fait avec cette cloche-là? Il dit, Anoubi la salat. Il dit, je vais appeler la salat, je vais faire appel à la salat avec cette cloche-là. Fakal al-Ranjoul, Afala Dulluka ala khayr min zalika, ne vais-je pas te montrer meilleur que cela? Et Abdullah, il dit, Bala, En effet, oui, si plutôt. Naam. فقال الرجل إذا أردت أن تؤذن فتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الأذان الأذان. Donc après cet homme-là lui a montré, lui a donné les termes employés pour l'adhan. Les termes à donner pour l'adhan. Et après le lendemain matin, Abdullah ibn Zayd a informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de ce rêve et il lui a dit que ce rêve était véridique. Et de là, l'adhan a été rendu légiféré par ces termes-là, exact. Par ces termes-là, exact. Et ce fut Bilal, le premier à avoir fait l'adhan. نعم، إذا كنت نكتفي اليوم والحمد لله رب العالمين.